C'est fou. Cette semaine au Mathieu Planchot. Dans Télévision, le loup de Game of Thrones est élevé en Alberta. C'est sûrement même pas vrai, comme le canular de Leonardo DiCaprio qui déménagerait à Baie-Saint-Paul. Dans le segment Geek, c'est Alex. Seriez-vous intéressé à revendre vos jeux dématérialisés à 10% du prix d'achat? Ben, c'est toujours mieux que de se faire avoir par une certaine chaîne de e-boutique, Electronic Game. Et dans l'exercice science, en combien de temps un vampire peut-il vous vider le sang, Mathieu Planchot? Et voici celui qui vide les ondes lorsqu'il parle de sujets trop poussés, Mathieu Plante! Merci, merci. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 28 mars 2016, la chronique télévisuelle, Télévision, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci, science, le segment Geek CNX et c'est un fait Tech Edition à la fin de l'émission, si on a le temps. Dans quelques moments, on va recevoir Lucas Hubert. Allô? Ça va bien avec ta voix chaude? Ben oui, ça va. Ah, yeah. On le connaît de la sortie de secours est à votre gauche les jeudis après-midi à 13h. Il va venir nous parler de son sujet de maîtrise. Exact. En gros, c'est, mettons, en une phrase, le titre de ça, c'est quoi, là? L'ingénierie génétique modifiée du monde génétiquement, c'est-tu correct? Oui, ça, oui. Ben, le c'est-tu correct, ça fait-tu partie du titre, là? Oui, c'est la problématique. Ben, bon. Donc, on en parle avec lui dans quelques instants, mais pour commencer, comme on fait à chaque semaine, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et je vous présente l'artiste Brink, voici Amstrad Hard Bass. On m'a fait plein de choses sur ce... Brink avec Amstrad Hard Bass. Oui, j'ai dit l'artiste Brink tantôt. Ils font de la musique, c'est des artistes, n'est-ce pas, Lucas Hubert? J'imagine. T'es pas du genre à juger les gens parce qu'ils font de la musique de jeux vidéo quand même. Ben non. Donc, Lucas Hubert, comme je disais tantôt, vous connaissez l'émission La sortie de secours est à votre gauche les jeudis après-midi. T'es aussi éditorialiste dans Zone Campus. Oui. Mais aussi, t'as un sujet de maîtrise que tu vas essayer de nous expliquer dans des termes parfaits pour les morons genre moi. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, Mathieu, est-ce que tu as déjà entendu parler de CRISPR? Pas les petits croustilles. Non, c'est ça, pas les croustilles. CRISPR s'écrit C-R-I-S-P-R. Ça, c'est une affaire qui fait... Imagine-toi que les scientifiques ont développé un logiciel. Okay. C'est comme un Photoshop, mais au lieu de modifier l'image des gens, tu peux comme modifier les gens. Ah. Ouais. OK, ben en tout cas, déjà que tu as commencé par CRISPR, il manquait la voyelle à la fin. Ça fait Flickr, ça fait tous les Twitter au début qui n'avaient pas de E, je pense. Ça fait Web 2.0, là, CRISPR. Exact. Mais ça, en fait, c'est que c'est une invention qu'ils ont commencé à développer au début de la décennie. Puis en fait, crime, ça va être long. On va tranquillement pas vite réussir à faire ce logiciel-là. Puis finalement, ben ils l'ont fini. Oh! Récemment. Oui, quand même, récemment. Ce qui fait que présentement, c'est pas juste que ça peut très facilement modifier génétiquement les êtres humains, c'est qu'en plus, ça coûte des peanuts. C'est-à-dire, ou des croustilles. Oui, exactement. Oui. Puis, en fait, c'est ça coûte, d'ailleurs, à découverte, il avait dit, ça coûte faire un CRISPR, si on veut, ça coûte 100$. OK. Ouais. Bon. Fait qu'on peut modifier génétiquement des gens pour 100$. Mais ça va donner quoi, tout ça? On modifie quoi chez les gens? Bon, ça dépend. C'est des gros débats théoriques en éthique. Moi, j'étudie en philosophie, ouais. Donc c'est vraiment dans ces débats-là dans lesquels je me situe. Habituellement, les théoriciens divisent... on appelle ça, en fait, c'est de l'eugénisme, mais libéral. L'eugénisme libéral, ça veut dire qu'il y a une liberté individuelle, ouais. Dans le sens où... tu peux modifier ton enfant génétiquement, mais comme tu veux. C'est pas l'État qui va venir imposer ton enfant, on va le modifier, il faut qu'il soit blond aux yeux. Non, non, non, c'est pas ça du tout, là. C'est le parent qui va pouvoir décider, bon, le fœtus, on veut que... Puis normalement, c'est que ça fera pas comme des mutants, ça fera pas des X-Men, ouais. Parce que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, la génétique. Mais c'est peut-être, mettons, mon enfant, je veux pas qu'il ait tel ou tel handicap... Exact. Des amis, etc. Exact. Ça permet, disons, de développer certaines prédispositions. Donc, une famille qui aurait des prédispositions pour une certaine maladie, cancer qui sont sein. Génétiques, exact. Ça, on va pouvoir faire attention à ça, puis faire diminuer les dispositions. En même temps, si on décide de modifier quelqu'un pour dire, ben, mon enfant, je veux qu'il puisse être fort, ouais, ou intelligent. Mais ou... il va être prédisposé à l'être. Ça veut pas dire qu'il va l'être. Ça veut pas dire que quelqu'un qui a pas cette modification-là ne le sera pas. Vu que ce président des États-Unis un jour. C'est une nuance. Donc, tu sais, ça a l'air d'être un peu de la science-fiction comme sujet, mais aussi, justement, on fait pas des mutants. On fait pas des X-Men. En fait, les gros débats éthiques que ça amène, c'est qu'on divise habituellement deux sortes d'eugénisme. L'eugénisme négatif et l'eugénisme positif. L'eugénisme négatif, c'est de dire, ben, ce truc-là, ça permet carrément d'éradiquer des maladies génétiques héréditaires qui sont là depuis des centaines d'années. Si on parle des maladies comme syndrome d'Huntington, de 13 aussi dans Dr. House, c'est tout des maladies qui sont dégénératives. Dans le sens que plus le temps avance, plus tu vas être en mauvaise posture. Et ils sont héréditaires. Ouais. C'est une maladie qu'on peut carrément éradiquer, mais c'est pas juste ça. Des maladies comme le Parkinson, il y a quand même beaucoup de prédispositions génétiques. Bon, s'il y a eu du Parkinson dans ta famille, tu as plus de chances d'en faire. C'est aussi, on va pouvoir faire baisser les prédispositions. On peut pas s'assurer, bon, ton enfant aura jamais le Parkinson. On peut pas dire ça. Par contre, on pourrait dire, ben, il va avoir moins de chances. Il va avoir autant de chances d'en avoir que quelqu'un qui n'a pas de précédent dans sa famille. Oui. Bon. Et là, on parle de maladie, on parle pas de trait de caractère. Tu pourras pas dire, bon, je veux pas que mon enfant soit raciste ou je voudrais pas que mon enfant veuille construire un mur autour des États-Unis. Là, on parlait d'eugénisme négatif. Il y a l'autre barrière qui s'appelle l'eugénisme positif, c'est savoir est-ce qu'on peut améliorer les gens. Oui. Parce que là, on parlait de réduire les handicaps, right. Oui. Mais est-ce qu'on peut aider certaines, soit vertus, certains talents? Est-ce que je peux faire qu'on s'entend que, mettons, la musique, il y a un certain talent inné à la musique chez beaucoup de gens? Est-ce que c'est correct de dire, ben moi, je veux que mon enfant ait l'oreille absolue? Mm-hmm. Est-ce que c'est correct de dire que, si on trouve un gène, parce qu'il y en a qui. Puis c'est un vrai débat, là, j'ai une quinzaine de papiers universitaires. La bibliographie. Oui, grand, j'ai une quinzaine de papiers juste sur un gros débat, à savoir si on trouve des gènes qui sont liés à certaines vertus. Ouais. Est-ce qu'on a le droit, en tant que société, de demander, est-ce que l'État fait ça? Genre qu'à la place de demander aux gens, bon, est-ce que ton enfant va être un gars ou une fille, tu vas pouvoir répondre, ah, ça va être un excellent chef pâtissier, ça va être... pas nécessairement une vertu comme ça, plus une vertu, est-ce qu'une personne naturellement altruiste? Altruiste, oui. Altruiste. Oui, oui. Bon, c'est une question comme ça. Ben, seulement, est-ce que c'est correct? Ça ramène exactement le même débat que le film Orange Mécanique, en fait. À savoir, parce que Orange Mécanique, tu l'as sûrement déjà vu. C'est pas une grande culture cinématographique, okay. Je m'en excuse. Orange Mécanique, je vais te compter le punch de la fin, je m'excuse. Oh boy, okay. Orange, Orange Mécanique, c'est un film de Stanley Kubrick vraiment culte. En fait, où est-ce qu'il y a un gars, bon, Alex, qui fait partie d'une espèce de gang de rue qui est super violent, qui prend de la drogue, qui font tout, à peu près tout ce qui est pas correct, des viols, etc. Puis finalement, il se fait arrêter, puis il se fait lancer dans un programme expérimental où est-ce qu'il se fait comme brainwasher, puis il est plus capable d'avoir des mauvaises actions, de faire des mauvaises actions. Aussitôt qu'il pense à faire une mauvaise action, il y a une espèce de goût de vomir, puis il se met à faire le bacon sur le sol. Puis bon, ce qui est drôle, c'est qu'après ça, il y a lui qui essaye de retourner dans la vie, puis il rencontre des gens qui avaient fait souffrir quand il était plus jeune, puis finalement, il n'est même pas capable de se défendre parce que ces gens-là vont le frapper, puis comme même moi, si je les frappe, c'est pas correct. Puis finalement, le film finit que il se fait débarrasser, si on veut, de son brainwashage, puis qu'il redevient méchant. Ouais. Mais ce qui est drôle avec le génie de Kubrick, c'est qu'à la fin, tu te rends compte que tu es soulagé qu'Alex redevienne méchant. C'est comme l'importance du libre arbitre qui est souligné par cette fin-là. Savoir, on est mieux quelqu'un qui est volontairement méchant que quelqu'un qui est gentil parce que c'est imposé. Ouais. C'est un peu la morale du film. Mais c'est un peu cette question-là qu'on peut se poser. Est-ce que c'est correct qu'un État modifie génétiquement les gens pour qu'ils soient plus altruistes? C'est une question qui pourra se poser. Oui, c'est bizarre parce que ça pourrait faire que tout le monde soit altruiste finalement. Fait qu'il y aura plus de. À moins que ce soit des parents méchants qui imposent des choses méchantes à leurs enfants. Mais c'est une autre question, savoir juste est-ce que c'est correct que les parents imposent. Déjà que les parents ont beaucoup de contrôle sur l'éducation de leurs enfants. Ouais. Ils peuvent essayer de faire développer certaines valeurs chez eux. Mais si en plus un parent a carrément le droit de dire ben j'aimerais ça que mon enfant. Je veux pas un artiste, hein. Fait que je veux qu'il n'y ait aucun talent musical. Parce que moi, je veux que je sois quelqu'un de productif dans la vie. Par contre, donnez-y ça. Est-ce qu'un parent a le droit de jouer à Dieu comme ça avec son enfant? Je dirais que non, là-dessus, non. Pour les handicaps, je pense que c'est une bonne chose, il me semble, en tout cas. Ben, exact. T'sais, la plupart des gens s'entendent que l'eugénisme négatif, c'est une bonne chose. Oui, c'est ça. C'est l'eugénisme positif qui est matière à débat énormément. Mais qui va de toute façon passer, même si tout le monde est contre, quelqu'un va être prêt à payer quelqu'un qui est prêt à se faire payer pour. De toute façon, non? Ben, c'est un autre débat, à savoir le prix de la patente. Ça fait pas très, encore une fois, ça fait vraiment avantager les personnes qui sont déjà avantagées. Ben, exactement. Il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que ça va créer des nouvelles inégalités? C'est-à-dire que, bon, les enfants, les parents riches vont avoir des enfants très talentueux et très peu handicapés, alors que les parents pauvres vont subir ce qu'on appelle la loterie naturelle. Ouais. Ben, c'est vraiment le terme en plus technique qui est employé. Et c'est pour toujours, parce que des familles qui sont riches vont faire des enfants qui vont probablement devenir riches, qui vont aussi avoir des enfants qui vont. Et là, ça va continuer, la roue va continuer sans fin. Et c'est qu'en plus, on peut modifier la branche. On peut modifier génétiquement de façon héréditaire. C'est-à-dire que je peux faire une modification pour que, disons, mon enfant soit plus intelligent. Et même s'il ne fait pas de chirurgie, ça va continuer génétiquement à travers. Exact. OK. Exact, exact. Juste donner une idée à quel point, comme c'est problématique, puis cette évolution-là est allée vraiment plus vite que ce qu'il avait imaginé, c'est que c'est quand même des trucs sur lesquels on théorise depuis les années 2000. Mais dans tous les textes des années 2000, on dit, tu sais, bon, on essaye de poser des cadres, mais en même temps, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel, puis essayer de suivre ce qui se passe dans l'univers de la biologie. Puis, tu sais, regardez, on va pouvoir ajuster le tir en fonction de ça. Mais là, présentement, c'est que le CRISPR s'est développé tellement vite qu'en décembre passé, c'est la communauté scientifique qui a demandé à Washington de tenir un colloque pour demander à Washington, est-ce que vous pourriez faire des lois pour nous mettre des bâtons dans les baliser roues. Baliser ça un peu, Est-ce qu'on pourrait être balisé, s'il vous plaît, parce que là, ça va trop vite? Ouais. Quand c'est rendu que c'est rendu inquiétant, là. Quand c'est eux-mêmes qui vont demander est-ce qu'on peut se faire nuire un peu, parce que sinon, on va vraiment comme être trop loin, exactement, ça va être trop en même temps. Exactement. Puis... Parce qu'un scientifique peut difficilement dire à son patron, oui, tu me finances, mais je trouve que ça va trop vite, cette affaire-là. Tu sais, le patron, lui, fait comme, ben non, t'avances la recherche. Ouais. Quand c'est rendu la communauté scientifique qui demande à ce qu'on lui mette des bâtons dans les roues, c'est parce qu'il y a vraiment matière à se questionner. Ça fait peur. Bon, on a parlé aussi de la question des inégalités que ça peut créer entre les plus pauvres et les riches. Ça, là-dessus, c'est aussi une question qui est très intéressante. C'est qu'il y a deux écoles de pensée totalement opposées sur cette question-là. Il y en a qui disent que, ben, dans ce cas-là, on devrait vérifier que, justement, les gens, l'État interdise certaines modifications qui vont vraiment créer des grosses inégalités. Parce que, bon, justement, on veut pas que ça devienne problématique. Et il y a l'autre école de pensée qui est contre-intuitive, puis que merde. Quand on écoute leur argumentaire, on est comme, ben oui, on a quand même un point. L'autre école de pensée, c'est de dire, non, on devrait tout laisser faire. On devrait même essayer de subventionner ces affaires-là pour que ça aille le plus rapidement possible. Puis comme ça, très rapidement, ça va devenir accessible à peu près tout le monde. Et en plus, il dit, les gens de gauche qui s'inquiètent des inégalités ne devraient pas s'inquiéter tout le monde va être égal de ça. Parce que, justement, il existe, la loterie naturelle crée certaines inégalités de base qu'on va pouvoir régler avec ça. Donc, les gens vont être plus égaux si on encourage CRISPR et l'ingénierie génétique. Dépendant des parents, encore une fois, il y a des parents qui peuvent choisir des avantages qui sont pas nécessairement bons. Peut-être, mais lui, ça va devenir quelqu'un qui est super violent, mettons, parce que sa famille était violente. Puis, tu sais, puis que c'est comme ça qu'on règle des problèmes, comme les hommes de Cro-Magnon, on se fesse dessus pour régler nos problèmes. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais le problème, c'est que présentement, on peut modifier génétiquement à peu près n'importe quoi, mais on ne sait pas encore chaque gène qui fait quoi. Ouais, c'est aussi. C'est comme l'outil est plus efficace que notre connaissance par rapport à ce sur quoi il agit. Et juste ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est maintenant que ça se passerait, non pas dans le futur où on saura plus de choses, parce que peut-être qu'on devrait attendre un peu avant de pouvoir commencer à faire ça. Exact. À grande échelle. Exact. Le seul consensus qui est sorti du colloque à Washington, qu'il y a eu en décembre passé, que je parlais tout à l'heure, parce que, bon, là-dessus, veux pas, il y a des gens que, justement, les grosses industries étaient comme, ben non, il faut que vous nous laissez faire. Les scientifiques étaient comme, oui, mais c'est un peu une boîte de Pandore qu'on ouvre là. Le seul consensus qu'ils ont réussi à avoir, c'est de dire, on ne devrait pas modifier la branche germinale. La branche germinale, ça veut dire, c'est la branche qui est héréditaire. Okay, donc, ouais. Pour l'instant, c'est, faites les modifications que vous voulez essayer, mais s'il vous plaît, rendez pas ça héréditaire, parce que ça se peut qu'on réalise qu'on a fait des erreurs. Tu veux dire que ça peut changer... peut-être ce que la personne est sur laquelle tu joues dans ses trucs, mais après ça peut pas être génétique et ça peut pas se donner au prochain, son enfant, mettons. Exact. Ok, parce que tu joues quand même avec la génétique de la personne qui va naître en premier. Exact. Oh boy. Ouais. Sujet lourd. Et là, toi, évidemment, tu fais la recherche là-dessus, tu ramasses différentes sources, tu synthétises ça un petit peu pour... Oui, j'essaie de résumer, j'essaie d'amener une proposition de solution. J'essaie de trouver quelque chose d'assez original. J'ai peut-être une piste de solution. Je peux d'ailleurs... Agace-nous. Je vais agacer, mais comme je vous dis, j'ai pas trouvé ça nulle part, merde, dans les revues, les magazines. Il y a des grands philosophes qui en parlent, puis j'essaie de voir... Maintenant que je l'ai formulé, j'ai l'impression que c'est tellement évident que c'est clair qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Là. Peut-être. En fait, la réflexion que je me suis fait, c'est qu'on pourrait comparer ça, si on veut, au vaccin. OK, oui. Bon, les vaccins, c'est de l'eugénisme négatif. Oui. Il y a des handicaps qui sont des virus, des maladies comme ça, puis on va essayer d'éradiquer ça. Puis on pourrait essayer d'appliquer l'ingénierie génétique exactement de la même façon, c'est-à-dire que au Canada, ce qu'on fait, c'est qu'on a certains vaccins qui sont offerts gratuitement, et il y en a certains qu'il faut payer. Donc moi, par exemple, je suis exterminateur l'été pour payer mes études, fait que je suis en contact avec des seringues, des bébites, assez étrange tout ça, fait qu'il y a des vaccins que monsieur, madame, tout le monde n'a pas accès, puis que moi, je dois payer pour avoir. C'est logique. Oui, tout à fait. En fait, on pourrait penser exactement comme pour les vaccins, pour l'ingénierie génétique, et maintenant qu'on sait que c'est abordable, l'ingénierie génétique, pourquoi est-ce que un État, quand que ça va être, l'état des connaissances va être un peu plus avancé, pourquoi est-ce qu'un État pourrait pas offrir et que les parents vont être libres de refuser ou d'accepter, mais un kit de départ. Une trousse de départ, ben, c'est exactement comme les vaccins. Les parents sont libres d'accepter ou de refuser, mais en même temps, c'est comme fortement encouragé, puis il y a une logique en arrière de ça. Je me dis, si l'État offrait gratuitement certaines modifications de départ, si on parle de une prédisposition à certaines maladies, peut-être une meilleure constitution, ça serait à définir, mais on pourrait dire que l'État pourrait offrir un kit de base d'ingénierie génétique, et que ben ensuite les gens qui veulent plus que ça, ben ils peuvent payer, mais on va déjà s'assurer que sur la ligne de départ il n'y ait pas trop d'inégalités, parce que disons certains trucs les plus importants comme la santé, ces trucs là vont être déjà gratuits et inclus. Si c'est déjà fait là, cette histoire là vas-y avec le bouquet du CRTC là. 25 chaînes, 25$, sauf qu'à la place c'est 25 gènes, 25$. Si tu veux, tu peux un bouquet additionnel, genre t'as VRAC TV, puis t'as aussi genre les yeux bleus, Canal D, puis t'as aussi 6 pieds 3. T'sais? C'est bon, ça, on pourrait y penser. La façon Cogeco gêne. Ouais. Ben, d'ailleurs, si on se modifie génétiquement pour avoir une Wii qui va plus haut dans les aigus. La Wii, la console de jeux vidéo, pour amener ça aux choses geek. Là, c'est ça, non. Non, le Wii entendre. C'est pas drôle, ouais. Oh, je te dis coquin. Franchement, non, mais savais-tu? que les ondes AM, okay. les ondes FM, bon, ouais. c'est des ondes sonores extrêmement élevées, c'est pour ça qu'on les entend pas. Ah. Dans le fond, il y a un émetteur. Il faut la radio pour l'entendre, sinon on entendrait exact. Les radios dans les Il y a un émetteur qui prend le son, comme présentement, là, c'est le cas à la radio, ce qu'on vit ici. Il y a, nous on fait des sons, toi et moi. Oui. Bah. Il y a l'émetteur qui prend le son, qui le multiplie puis qui le rend aigu. Qui le rend vraiment beaucoup aigu, fait que le son est tellement aigu qu'on ne l'entend pas dans l'air. Okay. Et que, bon, après ça, il y a un récepteur, les voitures, les chaînes radio, etc., qui prennent ça puis qui le ramènent à son ton normal. Et c'est pour ça, c'est en gros, là, je viens vraiment de vulgariser de oui, manière. Pour les morons, là, je t'ai dit de mettre extrême. Ça à mon niveau. Là, ouais. C'est vraiment comme ça. Puis il y en a beaucoup, il y a de plus en plus d'études qui disent que les nouveaux-nés, dans les deux premières semaines après la naissance, parce que, tu sais, l'ouïe, plus on vieillit, moins on entend les hautes fréquences. Okay. Puis il y a beaucoup, de plus en plus d'études qui démontrent que les nouveaux-nés, dans les deux premières semaines après leur naissance, probablement qu'ils entendent certaines chaînes de radio. Ben voyons donc. Ouais. La musique classique, tout ça, ça les aide à dormir peut-être. Ouais, mais en même temps, c'est probablement qu'ils entendent toutes les chaînes de radio mélangées, un genre de cacophonie un peu dégueulasse. T'entends Radio Ville-Marie puis les prières de la journée. Puis... Qu'on pourrait demander effectivement d'avoir cette modification génétique-là, d'entendre des sons plus aigus. Comme ça, on pourrait avoir tout le temps la radio. Une variété plaisant. Musicale, tu sais. Ben oui, t'as un iPod mental. C'est ça, c'est écœurant. Mais tout le temps, shuffle et tout le temps, tout le monde en même temps. Et c'est ça. C'est wow. On a eu comme plusieurs sujets en même temps dans ta chronique, dans ton segment, dans ta participation spéciale. C'était un one and off qu'on appelle. Ben voilà. Mais tu reviens quand tu veux. Ben Lucas merci. On t'écoute à l'émission. La sortie de secours est à votre gauche les jeudis après-midi entre 13h et 14h. Mm-hmm. Juste avant le Mathieu Planchon, on rappelle. Eh oui. Fait que ça vient d'avoir lieu si vous écoutez le jeudi. Exact. Fait que je vais pouvoir me présenter. Demain, je vais pouvoir me présenter ce que je viens de faire avant oui. que ça arrive. C'est vraiment Restez malade. Le fan de Dr. Who, nous, en moi, est vraiment content. Et ça va être malade parce que toi, jeudi, je vais être après toi. Fait que tu vas présenter, genre, au Mathieu Plancho, je vais parler de mon sujet de maîtrise. Puis après ça, tu vas rejouer le samedi matin avant Génie en Liberté, où là, tu seras pas présent après. Ça va être malade pour les gens. Oh boy! La radio, les aigus. Ah! Et on te lit aussi dans le Zone Campus, sur zonecampus.ca et sur la page Facebook du journal Zone Campus. Lucas Hubert, éditorialiste au Zone Campus. Donc, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. À la dernière seconde, comme ça, c'est génial. T'as bien fait ça. Merci. Nous, on retourne en Chiptune, on s'en va entendre une pièce qui nous provient de... Attention, où est-ce que j'étais? Ah, c'était ici. Shannon Mason, qui rend hommage au jeu Earthbound. Voici la pièce Ninefield, au Mathieu Plante Show tout de suite. We'll be right back. La pièce Bone Trussel, Holler Remix, sur l'album Undertale Remixed. C'est le premier album sur l'étiquette Game Chops qui a été remixé par Holder. En fait, lui, qui était connu pour sa comédie, donc il sort maintenant son premier album, un hommage au hit indépendant Undertale. Et ça s'appelle donc Undertale Remixed au Mathieu Plante Show maintenant. Et bien, c'est Television, Television. C'est Television, Television, la chronique où on parle de nouvelles télévisuelles des 7 derniers jours. Commençons par le Québec. Il se passe pas grand-chose en ce moment au Québec, mais le Comic-Con de Montréal 2016 vient d'annoncer plein de choses. Les premiers invités donc de la 8e édition du Comic-Con de Montréal, qui aura lieu au Palais des Congrès du 8 au 10 juillet, ont été annoncés au cours d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Montréal. Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, y était présent aux côtés d'amateurs costumés en super-héros ou en ennemis jurés de ces derniers et a prononcé une allocution sur la culture populaire de la ville, nous dit TVQC.com. L'édition de cette année du Comic-Con de Montréal devrait être la plus imposante à ce jour. On y attend plus de 60 000 visiteurs friands de science-fiction, de fantastique, d'horreur, de jeux vidéo et bien sûr de comic books et de bandes dessinées. La culture populaire montréalaise et le 50e anniversaire des séries télévisées Batman et Star Trek Patrouille du Cosmos seront à l'honneur. Invité du domaine du divertissement, l'incomparable et légendaire William Shatner, qui jouait le Capitaine Kirk, fera avec nous le bilan des 50 ans de Star Trek. Il sera accompagné de Nichelle Nichols, qui jouait Lieutenant Uhura, et de Kate Mulgrew, qui interprète la capitaine Catherine Janeway dans Star Trek Voyager, encore une fois, toujours à la télé. Marina Baccarin, qui incarne Leslie Thompson dans Gotham et qu'on connaît pour ses rôles de premier plan dans Deadpool, Firefly et Homeland, et dont la présence a été annoncée en janvier dernier, ainsi que Robin Lord Taylor, qui tient le rôle de Oswald Cobblepot, donc le pingouin, dans Gotham, seront également de la partie. Montréal est le lieu de naissance de nombreux grands noms de la culture populaire, notamment William Shatner. Parmi les autres invités d'origine montréalaise, notons Peter Cullen, connu pour avoir prêté sa voix à Optimus Primus, chef des Autobots dans la série animée Transformers de 84. La génération Y sera ravie d'apprendre la participation d'Elias Stufexis, qui participe, qui joue le rôle de Adam Jensen dans la série de jeux vidéo 12X de Eidos, et à Kenzo de la série The Expanse, en lice pour un prix Saturne. Parmi les invités annoncés récemment figure aussi Brett Dalton, qui interprète l'agent Grant Ward dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Alfonso Ribeiro, qui incarne le populaire Carlton Banks dans The Fresh Prince of Bel-Air et qui anime actuellement America's Funniest Home Videos, c'est le drôle de vidéo américain. Et Billy Dee Williams, qui est célèbre pour son rôle du charmant Lando Calrissian dans Star Wars L'Empire Contre-Attaque en 1980. Enfin, le reste, c'est des trucs qui sont plus ou moins télé, mais quand même, lui joue à la télé. L'ancien lutteur professionnel Scott Hall, alias Razor Ramon, intronisé au temple de la renommée de la WWE et membre fondateur du clan de lutteurs New World Order. Le reste, c'est des trucs de bande dessinée et des choses comme ça, donc allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Maintenant, au Canada, la grosse nouvelle de la semaine, c'est les compressions de Radio-Canada qui vont être maintenues malgré les nouveaux fonds. Pas question de revenir sur les réductions de personnel malgré les 675 millions accordés à CBC Radio-Canada dans le budget fédéral, affirme le PDG du diffuseur public Hubert Lacroix, nous dit la presse. Cet investissement du gouvernement Trudeau, qui servira notamment à appuyer le virage numérique de la société d'État, inquiète certains télédiffuseurs privés au Québec, dont le groupe TVA et le groupe V-Média. Le syndicat des employés de Radio-Canada s'inquiète de possibles pertes d'emplois liées au virage numérique. La société d'État compte actuellement 7 440 salariés, dont 6 659 permanents, mais son plan stratégique 2020 prévoit une réduction d'effectifs pouvant atteindre 1 500 employés d'ici 2020 dans le cadre de son virage numérique. CBC Radio-Canada a recruté 150 personnes au cours des derniers mois pour opérer son virage numérique et compte faire d'autres embauches. La société doit donner davantage de détails en avril sur la façon dont sera dépensé le financement accordé par le gouvernement Trudeau. Si Radio-Canada se réjouit de ses 675 millions supplémentaires, donc 75 millions en 2016-17, puis 150 millions par année pendant 4 ans, il en va autrement d'un front commun de télédiffuseurs québécois qui s'inquiète de cette mesure du budget morneau. Au cours de l'entretien avec la presse, les PDG du groupe TVA, du groupe V et du groupe Serdi, qui est partenaire ou propriétaire de Évasion et Zest, ont dénoncé cet investissement sans condition susceptible, selon eux, de bouleverser le fragile équilibre de l'industrie québécoise qui traverse déjà une période difficile avec la concurrence de nouveaux acteurs comme Netflix. Les dirigeants demandent au gouvernement de s'assurer que les nouvelles sommes ne seront pas utilisées pour faire concurrence au secteur privé, notamment dans l'acquisition de contenu et de personnel. Radio-Canada se réjouit du vote de confiance du gouvernement Trudeau. La société d'État estime avoir besoin de ses 675 millions pour mener à bien son mandat qui diffère de celui des diffuseurs privés. La société d'État se servira de cet argent frais pour accélérer son virage numérique et diffuser davantage de contenu sur ses plateformes traditionnelles. En 2014-15, CBC Radio-Canada avait été financé à 63% par les crédits parlementaires, donc 1,04 milliard sur un budget total de 1,64 milliard. J'ai sauté plein de détails et plein de citations que vous pouvez aller lire sur assemblagerequis.com. Maintenant, on va aux États-Unis pour le décès du président du syndicat des acteurs d'Hollywood. Le président du syndicat des acteurs d'Hollywood, SAG-AFTRA, Ken Howard, qui avait joué dans de nombreuses séries comme Dynasty ou Murder, She Wrote. Ça, en français, c'était Elle écrit au meurtre et en France, c'était Arabesque, pour une raison qui m'échappe. Elle est décédée mercredi dernier à 71 ans, d'après un communiqué de l'organisation. On parle de mercredi 23 mars. Il a notamment orchestré la fusion entre le Screen Actors Guild, qui dirigeait depuis 2009, et la Fédération des artistes de radio et télévision des États-Unis, l'AFTRA, en 2012. La nouvelle organisation défend les droits de 160 000 interprètes. Je cite, Ken fut un leader qui nous inspirait et sa mort est une grande perte pour la SAG-AFTRA, a réagi la comédienne Gabrielle Carteris, une des stars de Beverly Hills 90-210 qui est aussi membre du SAG. Ken Howard avait aussi joué dans une autre série sur la vie de jeunes adultes séduisants dans les beaux quartiers de Los Angeles. On parle de Place Melrose qui a également marqué la télé des années 90. Pendant les années 80, il avait incarné l'avocat Garrett Boydson dans la cultissime série Dynasty et était apparu dans des épisodes policiers de Murder, She Wrote en 85-94 avec Angela Lansbury. Plus récemment, il avait aussi figuré dans la sitcom 30 Rock avec Tina Fey et Alec Baldwin. Lauréat en 70 d'un Tony Award pour sa performance à Broadway dans Child's Play. Il avait aussi reçu un Emmy pour son rôle dans la mini-série Grey Gardens. Ces dernières années, il était à l'affiche de films au succès international comme Michael Clayton en 2007, Rambo en 2008 ou The Judge en 2014. Il a tenu son dernier rôle dans Joy pour lequel l'actrice principale Jennifer Lawrence a reçu un Golden Globe. On en parlait en intro, c'est vraiment un type de nouvelle complètement différent de la précédente. C'est le loup du trône de fer qui est élevé en Alberta. Le loup blanc qui accompagne Jon Snow, l'un des personnages principaux de la série Le Trône de Fer, Game of Thrones, est un loup arctique élevé et entraîné depuis 9 ans par Andrew Simpson, un résident de l'Alberta. Monsieur Simpson, qui habite dans une banlieue au nord de Calgary, n'a rien révélé quant à la suite de l'histoire et rien non plus sur le rôle de Quigley, l'animal qui incarne Fantôme ou Ghost dans la série, dont la saison 6 sera présentée à partir du 24 avril sur HBO. Je cite, pour le moment, Fantôme est toujours là, a réussi à arracher le Calgary Herald à Andrew Simpson, confirmant que la bête refera surface dans la 6e saison. Andrew Simpson n'en est pas à sa première participation à des projets mettant en scène des loups et Quigley n'est pas le seul de son espèce à avoir été dirigé par l'homme d'origine écossaise qui a su développer une forme de complicité avec les animaux. En 2011, son documentaire Wolves Unleashed avait permis de comprendre les rapports qu'il entretient avec cet animal qui inspire crainte et méfiance, mais dont il se fait un ardent défenseur, affirmant que les scènes reproduisant des attaques ou empreintes d'agressivité sont toujours difficiles à réaliser. La 5e mouture de Game of Thrones s'était terminée avec... spoiler alert! Je le dirai pas en nombre quand même. Voyons, non. Hey, tu parles d'affaires. Un gros média qui met un punch de même dans un de ses articles. Inacceptable! Maintenant, Sex à New York. On dit que Alec Baldwin aurait pu être Mr. Big. Le créateur de Sex à New York, Darren Star, a confié qu'il souhaitait à l'origine voir Alec Baldwin jouer Mr. Big. L'acteur était selon lui le choix idéal jusqu'à ce qu'il rencontre Chris Nott. Je cite, « Je pensais à Alec Baldwin pour Big à l'origine », a-t-il confié dans Entertainment Weekly, « mais j'ai rencontré Chris Nott et je l'ai trouvé parfait. Je me souviens de la première lecture autour de la table, à quel point il était bon. Je ne dis pas que Chris était Mr. Big, mais il a amené beaucoup de caractère dans le personnage. » Darren Star a également précisé que John Corbett ne devait pas non plus jouer l'autre amoureux de l'héroïne Carrie, Aiden Shaw. Je cite, au départ, on pensait à Aiden Quinn pour Aiden, mais je crois qu'il n'était pas disponible. J'ai adoré John Corbett dans Bienvenue en Alaska et on était du genre à dire, bon, que fait John Corbett? Il avait cette vibe très mec et laconique. C'est en revanche Aiden Quinn qui a inspiré le rôle, puisque Aiden Shaw a même récupéré son nom. Je cite, on a gardé Aiden parce qu'on adorait le prénom, a-t-il confié au magazine. C'est de l'inutile tout ça. Le créateur de Luther travaille sur une nouvelle série. Neil Cross, le créateur de Luther, adaptera au petit écran la collection de romans Tom Ripley, écrit entre 55 et 91 par l'auteur américaine Patricia Highsmith, annonce Variety. Après le policier londonien incarné par Idris Elba dans Luther, Neil Cross s'intéresse désormais à un nouvel héros, Tom Ripley. Cet escroc dénué de toute conscience est déjà bien connu des cinéphiles pour avoir été adapté à quelques reprises au grand écran. Le personnage inventé par Patricia Highsmith a été incarné par Matt Damon en 99 dans l'énigmatique Monsieur Ripley, déclinaison du premier roman, mais également par Alain Delon dans Plein Soleil, Dennis Hopper dans L'Ami américain et John Malkovich dans Ripley s'amuse. Famke Janssen sera l'héroïne de la série dérivée de La Liste Noire. Diffusée depuis 2013 sur NBC, l'œuvre dramatique The Blacklist pourrait prochainement voir sa série dérivée portée par l'actrice néerlandaise Famke Janssen, qu'on connaît pour L'Œil de Feu et X-Men. En projet depuis près d'un an, ce dérivé tournera essentiellement autour de personnages féminins, contrairement à la série originale qui met en vedette James Spader. Famke Janssen sera introduite à la série le 5 mai prochain et devrait camper le rôle de Susan Halstead. Elle sera l'héroïne de l'épisode suivant, le 12 mai, qui devrait servir de pilote, ce qu'on appelle en anglais un backdoor pilot. Donc un épisode, c'est quand on regarde une série puis c'est pas les mêmes personnages que d'habitude, mais c'est un backdoor pilot qui va servir, qui va peut-être même avoir des personnages complètement différents, mais sert de pilote pour commander la série chez le réseau. L'actrice s'est faite connaître dans L'Œil de Feu, puis s'est illustrée dans la saga X-Men et à la télé dans Nip Tuck, ainsi que How to Get Away with Murder. On va à l'international maintenant. Al Jazeera supprime 500 postes. Oui, c'est bien triste. La chaîne de télévision Qatari Al Jazeera, qui fêtera en novembre son 20e anniversaire, a annoncé 500 nouveaux licenciements, alors que le paysage médiatique mondial est en pleine transformation et que l'émirat qui l'a lancé fait face à des difficultés économiques. Les 500 postes supprimés s'ajoutent aux 700 autres appelés à disparaître, étant donné que la chaîne Al Jazeera America mettra la clé sous la porte dans un mois. Alors, on a annoncé ça à la mi-janvier, on en a parlé ici à l'émission. Au total, le nombre d'employés d'Al Jazeera passera d'environ 5200 à 4000, soit une réduction d'effectifs de plus de 20%. Dans un communiqué récemment, la chaîne d'information a annoncé que sa direction avait décidé de supprimer environ 500 postes à travers le monde, dont une majorité au Qatar, où se trouve le siège de Al Jazeera. Selon un responsable, 60% des licenciements, soit 300 emplois, pourraient concerner le personnel basé au siège de Doha. Le directeur général par intérim d'Al Jazeera, Mustafa Souag, a assuré que les suppressions d'emplois étaient destinées à optimiser la productivité et à faire évoluer le travail de la chaîne afin qu'elle conserve une position de leader. La décision a été difficile à prendre, a souligné M. Souag en ajoutant, je cite, « Nous sommes toutefois convaincus qu'il s'agit d'une bonne décision pour assurer la compétitivité à long terme de notre réseau. » Un responsable de la chaîne a indiqué à l'agence France-Presse que les premiers licenciements pourraient intervenir dès cette semaine et que la plupart des départs ne concerneraient pas des journalistes. Les employés ont indiqué qu'Al Jazeera English serait épargné par ce plan de départ. Al Jazeera English, c'est la version anglophone de Al Jazeera, mais c'est pas Al Jazeera America, qui était, elle, une version vraiment purement américaine, qui diffusait aussi des émissions de English quand même. Un membre du réseau qui a souhaité conserver l'anonymat dit à l'agence France-Presse que les suppressions d'emplois étaient anticipées depuis des mois et que ça avait créé beaucoup de paranoïa chez le personnel qui attendait simplement une annonce officielle. Je cite, depuis la mi-janvier, on nous disait la semaine prochaine, puis la semaine d'après, il y avait beaucoup de spéculations. Fin de la citation. Le réseau d'information Al Jazeera diffuse dans plusieurs langues. Il dispose de près de 80 bureaux à travers le monde et selon la chaîne, Al Jazeera English est reçu chaque jour dans 270 millions de foyers. Al Jazeera Arabic compte 27 millions de téléspectateurs quotidiens et la chaîne en ligne AJ Plus a comptabilisé quelque 1,2 milliard de vues depuis son lancement en septembre. Al Jazeera America fermera fin avril, comme je disais, faute d'avoir su trouver son public et d'avoir généré un modèle économique viable. Pour vrai, les codes d'écoute étaient une barre pendant certaines cases horaires. Fondé il y a près de 20 ans par le gouvernement du Qatar, Al Jazeera continue d'avoir une audience significative dans le monde arabe, bien que celle-ci ait apparemment baissé ces dernières années au profit d'autres chaînes qui ont fait leur entrée sur le marché. Ses détracteurs affirment qu'Al Jazeera accorde beaucoup de place aux islamistes et en particulier à la confrérie des frères musulmans, ce qui a provoqué une grave crise avec l'Égypte du président Abdel Fattah al-Sissi. Ce dernier a renversé le président issu de cette confrérie, Mohamed Morsi, à l'été 2013. Les suppressions d'emplois ont été annoncées au moment où le Qatar, un gros producteur de gaz mais également de pétrole, fait face à un effondrement des prix de ses sources d'énergie. L'émirat prévoit un déficit budgétaire de plus de 12 milliards de dollars en 2016, le premier en 15 ans. En décembre, le jeune émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a mis en garde contre les dangers de l'État-providence. Il a estimé que la chute des prix des hydrocarbures pourrait aider à corriger les problèmes négatifs ayant accompagné l'accumulation des richesses comme le gaspillage, les sureffectifs et le manque de responsabilité. Selon Khaled Roub, professeur à la Northwestern University du Qatar, Al Jazeera avait besoin d'une secousse, donc de se faire brasser la cage. Les responsables qataris expliquent-ils, tentent d'adresser un message audacieux à chacun, y compris à leurs propres citoyens, selon lequel la politique actuelle de réduction budgétaire est très sérieuse en raison de la baisse continue des prix du pétrole. On va sur Internet maintenant. Apple Music et Vice lancent une série documentaire. Apple Music s'est associé au magazine spécialisé dans la culture Vice afin de réaliser, The Score. La série documentaire est constituée de 6 épisodes Chacun sera centré sur une scène musicale différente dans plusieurs pays comme le Brésil, l'Islande ou encore le Vietnam. Les sujets traitent d'artistes et groupes locaux peu connus mais représentatifs. Les abonnés à Apple Music pourront par exemple s'immerger dans le monde de la scène techno d'Afrique du Sud. En bonus, chaque épisode sera accompagné d'une liste de lecture dédiée, donc une playlist avec des morceaux présents dans les sujets ou s'en inspirant. Le premier épisode de cette série, A Reservation Rap, est déjà disponible sur la plateforme de musique en ligne. Il est centré sur le hip-hop de la tribu amérindienne Ojibwe de la réserve de Red Lake dans l'état du Minnesota. Et pour terminer, Netflix Party, qui permet de regarder des films ou des séries entre amis via Internet. Avec le sport, la série télévisée était jusqu'à récemment l'une des expériences télévisuelles les plus sociales. Diffusée épisode après épisode, elle occasionnait de grandes discussions le lendemain à la machine à café, voire suscitait l'organisation de séances de diffusion à domicile entre amis, nous dit Klubik. Netflix a quelque peu bouleversé le modèle en sortant des séries par saison entière. Le service de vidéo à la demande sur abonnement a ainsi inventé le concept de binge-watching, qui consiste à enchaîner tous les épisodes de nouvelle saison en un seul week-end. Plus difficile à faire entre amis, évidemment, et le phénomène est assez important pour influencer la réalisation des programmes, comme on l'a vu dans un petit dossier sur Klubik que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. La plupart des concurrents de Netflix ont depuis adopté ce modèle, même des chaînes de télé telles que, en France, Canal+, aux États-Unis, il y avait aussi NBC qui a diffusé une série au complet sur Internet en premier. C'était la série avec David Duchovny dont le nom m'échappe. Ah, je me rappelle plus. Bref, on propose désormais l'intégralité d'une série ou d'une saison en ligne parallèlement à leur diffusion hebdomadaire. Attends, je suis en train de chercher David Duchovny en même temps. Vous l'avez tous sur le bout de la langue, c'est clair. Aquarius, voilà. J'allais dire, on peut toutefois rétablir l'expérience sociale en ligne avec le concept de Netflix Party, une fête Netflix qui consiste à regarder des épisodes simultanément avec des amis via Internet et à échanger en temps réel. Netflix propose cette expérience, mais exclusivement sur Xbox One. La pratique est désormais accessible à tous par le biais d'une nouvelle extension pour le navigateur Google Chrome, conçue par un certain Stéphane Boyer, diplômé du MIT et ingénieur pour Airbnb. L'outil permet de synchroniser la lecture d'un programme Netflix. Un utilisateur peut créer une séance, partager un lien de visionnage avec ses amis, qui doivent avoir accès évidemment à Netflix payant. Le programme est aussi est alors diffusé parallèlement à une fenêtre de discussion, de chat. Pour installer l'extension, il suffit d'accéder au site internet du projet avec Google Chrome et de suivre les instructions. Le site est netflixparty.com. Netflixparty.com, tout ce qu'il y a de plus simple. Simple, il manquait mon L là-dedans. Maintenant, allons-y avec les codes d'écoute. Tiens, pour la semaine du 7 au 13 mars dernier. Si je puis m'y rendre. Oui, ok, j'y suis. Donc, classement québécois pour commencer. Position 15 à 6 en rafale. Vlog, La Poule aux œufs d'or, La Voix, Les enfants de la télé, Dans ma tête, Mémoire vive, Oh, Au secours de Béatrice, Tout le monde en parle et LOL. En 5e, Yamaska. 4e, Les pays d'en haut. En 3e, Les beaux malaises. En 2e, Unité de 9. Et en première place, avec 2 502 000, c'est La Voix. Du côté du Canada anglais, position 15 à 6 en rafale. Masterchef Canada, Once Upon a Time, Hawaii Five-O, Gotham, The Amazing Race, Grey's Anatomy, Agents of S.H.I.E.L.D., Quantico, CTV, Evening News, Blue Bloods. En 5e, Blind Spot, 4e, CSI Cyber, 3e, Lucifer, 2e, Survivor. Et en première place, avec 3 972 000, c'est bien sûr The Big Bang Theory. Voilà, pour Television, j'avais comme un accent bizarre là-dessus. Avant de continuer avec le segment Merci Science, écoutons du chiptune et cette fois-ci c'est un remix hip-hop d'une chanson du jeu Chrono Trigger. C'est Giant Mechanical Cat par Official Blue Beats. MPS, le Mathieu Plante Show sur ses... La pièce Giant Mechanical Cat par Official Blue Beats, oui, c'était un remix d'une pièce de Chrono Trigger. On continuera avec d'autres hip-hop tantôt, mais avant ça, c'est le segment Merci Science. Merci Science, c'est la chronique qui remercie la science d'exister. Commençons avec les vampires. En combien de temps un vampire peut-il vous vider de votre sang? Hein? À peine plus de 6 minutes. Selon une étude basée sur les principes de la dynamique des fluides, le temps qu'il faudrait à un vampire pour sucer suffisamment de votre sang pour qu'apparaissent les premiers symptômes. Le mythe du vampire est universel. Dans quasiment toutes les cultures du monde, on peut retrouver des traces très anciennes de cette créature assoiffée de sang. Et à l'heure où Hollywood fête le 85e anniversaire de la première apparition officielle du célèbre Dracula sur les écrans, une question restait toujours en suspens. Combien de temps faudrait-il à un vampire pour vous vider de votre sang? Des étudiants en physique de l'Université de Leicester au Royaume-Uni s'appuient sur l'équation de Bernoulli et les principes de la dynamique des fluides pour proposer un début de réponse. Les vampires, tout le monde le sait, boivent le sang de leur victime en leur mordant le cou. Plus exactement, en perçant leur canine, l'artère carotide externe. Dans une première phase de leurs travaux, les étudiants se sont ainsi intéressés à la vitesse que pouvait atteindre le sang qui circule dans cette artère, car la vitesse du fluide est l'un des paramètres qui entre en ligne de compte dans les équations qui régissent la dynamique des fluides. Partant du principe que le sang entre dans l'aorte, l'une des principales artères du corps humain, à une vitesse de 0,1 mètre seconde, et au prix de quelques approximations, ils sont arrivés à la conclusion que la vitesse du sang dans la carotide externe est de 0,6 mètre seconde. Dans une deuxième étape, les étudiants de l'université ont évalué la différence entre la pression sanguine et la pression atmosphérique à quelques 13,3 kPa, sachant par ailleurs que la densité moyenne du sang en température ambiante est égale à 1,060 kg par mètre cube, ils ont pu, grâce à l'équation de Bernoulli, déterminer que le sang jaillit d'un trou percé au niveau du cou à la vitesse de 5 mètres seconde. Estimant que les canines de vampires percent des trous de quelques 0,5 mm de diamètre chacune, ils ont calculé à partir d'une autre équation communément utilisée en dynamique des fluides, l'équation de continuité, le débit volumétrique du sang avant d'en arriver à leur conclusion. Un corps humain disposant en moyenne d'une réserve de 5 litres de sang, il faudrait à un vampire 6,4 minutes pour en boire un volume de 15%. À ce stade de la démonstration, un point en particulier mérite qu'on s'y arrête. Il s'agit du volume de sang considéré, soit 15% du volume total disponible dans un corps humain. Ce volume est celui à partir duquel le corps humain montre les premiers signes de carence en sang. Il essaie alors notamment de compenser les pertes par une accélération du rythme cardiaque. Et la victime commence à faiblir. Hein? Les études. Des fois, on se demande pourquoi, mais pourquoi pas aussi. Hein? Alzheimer et Parkinson, et si on injectait des neurones dans le cerveau? Est-il possible d'injecter des neurones dans le cerveau? Des chercheurs ont fait l'expérience avec des souris et ils ont réussi. Les cellules ont bien survécu grâce à l'utilisation de biomatériaux en 3D, un espoir pour traiter des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Comme les maladies neurodégénératives et le traumatisme crânien se traduisent par une perte de neurones, pourquoi ne pas envisager un traitement en implantant ces derniers dans le cerveau? Les scientifiques ont déjà pensé à des thérapies utilisant des greffes de cellules, mais jusqu'à présent, ils rencontraient un sérieux problème, la faible survie de ces cellules dans les études chez l'animal. Après une greffe dans le cerveau ou la moelle épinière, leur survie serait inférieure à 1%. Pour obtenir des neurones à greffer, la technique part de cellules souches pluripotentes pour les transformer en neurones in vitro. En effet, récemment, des chercheurs ont réussi à reprogrammer des cellules souches pluripotentes en cellules nerveuses, des cellules souches qui peuvent provenir des patients eux-mêmes. Des chercheurs de la Rutgers University au New Jersey aux États-Unis ont développé une nouvelle technique qui vise à améliorer cette survie après greffe. Pour cela, ils ont mis au point des structures 3D microscopiques dans lesquelles ils ont fait croître les cellules nerveuses avant de les injecter dans le cerveau. Leurs travaux sont décrits dans la revue Nature Communications. Dans cette étude, les chercheurs ont reprogrammé des cellules souches dérivées de tissus adultes en neurones humains grâce au facteur neuro-D1. Pour ce faire, ils les ont placées dans des fibres de polymère synthétique dans une matrice microtopographique de 100 micromètres de largeur, soit environ l'épaisseur d'un cheveu. Une fois attachées aux fibres, les cellules forment un réseau et commencent à s'envoyer des signaux. Comme l'explique l'auteur de l'article, je cite, « Si vous pouvez transplanter des cellules d'une manière qui imite la façon dont ces cellules sont déjà configurées dans le cerveau, alors vous faites un pas de plus pour que le cerveau communique avec les cellules que vous greffez. » C'est d'ailleurs ce qui a été observé après injection dans le cerveau. Ces neurones ont en effet miraculeusement bien survécu, affirme le chercheur dans un communiqué. La technologie développée permettrait d'améliorer la survie des cellules d'un facteur 100 par rapport à d'autres méthodes. Les biomatériaux représentent donc une technologie prometteuse pour la greffe de neurones humains afin de traiter de nombreuses maladies neuronales comme Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, etc. Par la suite, l'équipe veut améliorer les biomatériaux utilisés pour augmenter le nombre de cellules implantées dans le cerveau. Des tests sont en cours pour évaluer si la technologie peut traiter des souris ayant la maladie de Parkinson. Cependant, il faudra encore attendre 10 à 20 ans avant de pouvoir tester son application chez l'homme. Avec le réchauffement climatique, est-ce que le vin va devenir meilleur? Une étude conduite par la NASA et l'Université de Harvard aux États-Unis montre que les vendanges précoces observées ces dernières décennies sont dues au changement climatique. Ce phénomène aurait un impact sur le vin qui serait de meilleure qualité, mais pour combien de temps encore? Chaque année, on entend dans divers médias qui s'en font écho, les vidanges ont lieu de plus en plus tôt. En France et chez les voisins européens, oui, où on cultive la vigne. S'agit-il seulement d'une impression ou est-ce vraiment une tendance sur le long terme liée au changement climatique? Pour la NASA et l'Université Harvard, avec laquelle s'est associé pour mener l'enquête, il est clair que la hausse des températures moyennes en est la cause. Le phénomène a même considérablement augmenté à partir de la deuxième moitié du 20e siècle. En consultant les documents historiques de plusieurs terroirs français et suisses entre 1600 et 2007, l'équipe de Benjamin Cook, climatologue à l'Institut Goddard de la NASA et au Lamont Doherty Earth Observatory de l'Université Columbia, a relevé que durant près de 4 siècles, les vendanges qui survenaient plus tôt étaient consécutives à des printemps et des étés plus chauds et secs qu'à l'ordinaire. Cependant, à partir de l'année 1980, il apparaît qu'elles sont de plus en plus précoces, même lorsqu'il n'y a pas eu de sécheresse. Il y a des preuves croissantes, je cite ici, que le changement climatique a causé des récoltes plus tôt dans ces régions au cours des dernières décennies, indique l'auteur principal de l'étude qui vient d'être publié dans la revue Nature Climate Change. Selon lui, tout indique que les paramètres climatiques ont changé. Les chercheurs ont pu recouper les dates des vendanges connues depuis plus de 400 ans avec des données climatiques issues de récits historiques et de la dendrochronologie, qui est le cerne des arbres, auxquels se sont ajoutées plus récemment, depuis environ un siècle, les mesures plus précises de température et de précipitation. Enfin, les considérations qualitatives des millésimes de Bourgogne et Bordeaux depuis le début du 20e siècle leur ont permis de les mettre en relation. Il est ainsi apparu qu'en règle générale, les meilleures années pour le vin sont celles qui ont connu des précipitations plus importantes que la moyenne au moment de la reprise de la végétation, au printemps, suivie d'étés chauds et d'une fin de saison sèche. Je cite « Cela procure beaucoup de chaleur et d'humidité à la vigne pour croître en début de la saison, tandis que les conditions plus sèches un peu plus tard dans la saison décalent la croissance végétative et une plus grande production de fruits. » L'équipe conclut que l'impact des sécheresses a diminué ces dernières décennies suite au changement climatique. Aussi, la hausse des températures provoque-t-elle des vendanges de plus en plus précoces qui, souvent, ont donné des vins de meilleure qualité. Je cite « Nos résultats montrent cependant que le changement climatique affecte aujourd'hui les récoltes et que les modèles d'antan avec des sécheresses provoquant des vendanges précoces et des vins de haute qualité ont déjà évolué. Que peut faire la viticulture face à cette situation? » Les viticulteurs devront sans doute envisager de changer leurs pratiques pour s'adapter à un monde régi par de nouvelles lois climatiques. Dis-moi quel mois tu es né et je te dirai si tu as des allergies. Nous dit le prochain article, les enfants nés en automne ont plus de risques d'eczéma et ceux nés en automne et en hiver risquent plus d'asthme. Ce lien entre allergies et saison des naissances s'expliquerait par une modification de l'ADN. Avec l'épigénétique, l'environnement de l'individu comme son alimentation, le stress auquel il est soumis affecte la méthylation de l'ADN. À long terme, cela pourrait avoir un effet sur l'expression des gènes et donc sur des maladies. Or, il a été observé que la saison de naissance influence différents paramètres, la taille de l'individu, sa longévité, mais aussi le risque d'allergie. Cependant, le mécanisme biologique n'est pas clair. Dans une étude parue dans la revue Allergy, quand même assez bien nommée, des chercheurs de l'université de... Ce qui me donne le nez qui pique, étrangement, on dirait que je parle d'allergie puis j'ai le nez qui me pique, aucun sens. Des chercheurs de l'université de Southampton au Royaume-Uni ont étudié l'association entre la saison de naissance, la méthylation de l'ADN et les allergies. L'étude a porté sur une cohorte de 367 participants âgés de 18 ans, nés sur l'île de Wight. Les résultats sont les suivants. Les personnes nées en automne ont un risque accru d'eczéma par rapport à celles qui sont nées au printemps. Les personnes natives d'automne et d'hiver ont plus de risque de développer de l'asthme. Ce qui est étrange quand même, parce que pour vrai, ma sœur est née à l'automne et fait des trucs de peau comme de l'eczéma. Et je suis né l'hiver au mois de mars et j'ai des symptômes de l'asthme. C'est quand même, c'est peut-être pas faux. Les chercheurs ont trouvé des marqueurs épigénétiques, notamment des méthylations de l'ADN associées à la saison de naissance et qui étaient toujours présentes 18 ans plus tard. L'équipe a pu faire le lien entre ces marqueurs et la maladie génétique. La méthylation associée à la saison était absente chez les nouveaux-nés, ce qui suggère qu'elle apparaît plus tard. Si cette étude montre que la méthylation de l'ADN à l'âge adulte est associée à la saison de naissance, d'autres mécanismes pourraient être impliqués. Ça peut paraître comme un horoscope par les saisons, mais maintenant nous avons des preuves scientifiques sur la façon dont cet horoscope pourrait fonctionner, dit l'auteur Gabriel Luckett. La température, le niveau d'ensoleillement, l'alimentation pourraient jouer aussi un rôle dans cette influence de la saison sur la santé. Intéressant comme toujours. Est-ce qu'on aurait peut-être un jour plus besoin de machines à laver? Des chercheurs australiens ont élaboré un revêtement à base de nanoparticules d'argent ou de cuivre grâce auxquelles les textiles se nettoient lorsqu'ils sont exposés à la lumière naturelle ou artificielle. S'il va sans doute falloir attendre encore longtemps avant de mettre sa machine à laver au rebut, cette avancée ouvre des perspectives prometteuses. La scène se déroule... ils font tout le temps ça, remettre en contexte avec un film. On va passer au suivant. Donc, une équipe de chercheurs du Royal Melbourne Institute of Technology, le RMIT en Australie, vient de publier un article dans la revue Advanced Materials Interfaces qui décrit le recours à la nanotechnologie pour créer un revêtement pour tissu capable de détruire les matières organiques lorsqu'il est exposé à la lumière artificielle ou naturelle. Je cite, « L'avantage des textiles est qu'ils ont déjà une structure en 3D qui leur confère une excellente capacité d'absorption de la lumière, ce qui permet d'accélérer le processus de dégradation de la matière organique. » Avec son équipe, monsieur Rajesh Ramanathan, ils ont créé deux types de revêtements composés de nanomatériaux, l'un à base de cuivre, l'autre à base d'argent. Pour cela, ils ont trempé des fibres de coton dans différents bains de chlorure d'étain, de sel de palladium, puis de molécules de cuivre et d'argent. Au contact d'une lumière visible, les éléments métalliques de la nanostructure vont l'absorber et libérer ce que les chercheurs appellent des électrons chauds, qui détruisent les molécules de manière organique qui composent une tâche. Les scientifiques du RMIT ont constaté que le revêtement à base de cuivre réagissait plus rapidement que celui à base d'argent, 3 minutes contre une demi-heure. En revanche, la solution à base d'argent a une efficacité supérieure sur la durée. Après une quinzaine d'essais, cette dernière éliminait mieux les tâches que celle à base de cuivre. Selon l'équipe australienne, leur solution a l'avantage d'être peu onéreuse et pourrait facilement s'adapter à un processus industriel. Je cite, « Il y a encore un travail à faire avant qu'on puisse se débarrasser de nos machines à laver, mais cette avancée pose une base solide pour le développement futur de textiles complètement auto-nettoyants. » La prochaine étape va consister à travailler dans des conditions plus proches de la réalité avec des salissures organiques courantes type taches de vin, d'aliments, etc. Ça permettra notamment d'évaluer la densité requise pour que le revêtement fonctionne efficacement. Par ailleurs, les chercheurs du RMIT pensent que cette technologie pourrait être adaptée pour créer des textiles antibactériens susceptibles de lutter contre les superbactéries. Les toilettes sans eau s'en viennent! Oh, et c'est peut-être grâce à Bill Gates! Répondant à un concours lancé en 2011 par la fondation Bill and Melinda Gates en vue de réinventer les toilettes, l'université britannique de Cranfield a relevé cet étonnant défi. Ces chercheurs ont créé une toilette qui n'utilise pas d'eau courante et qui ne coûte que quelques cents à entretenir par utilisateur par jour. Excusez-moi pour le reniflement. Donc, au cours du dispositif, fallait pas faire ça dans le micro, hein. Au cœur du dispositif, des nanomembranes et de la chimie qui permettent de séparer les matières et d'éliminer les odeurs. Il y a 5 ans environ, la fondation Bill and Melinda Gates lançait un grand défi sanitaire. Il s'agissait de concevoir des toilettes modernes capables d'être utilisées sans accès à l'eau, coûtant moins de 5 cents à entretenir par utilisateur et par jour et permettant de recycler au maximum les éléments utilisés par l'engin qui ont une valeur, donc l'eau du système fermé, l'énergie, etc. L'idée étant bien entendu d'améliorer les conditions sanitaires des 2,4 milliards de personnes qui, selon One, n'y ont pas encore accès. Cette belle idée a fait un petit bout de chemin et s'est enfin concrétisée grâce à l'université anglaise de Cranfield. Avec les 710 000 $ de financement de la fondation Gates, l'équipe d'Alison Parker a réussi à relever le défi grâce à des toilettes nommées sobrement The Nanomembrane. Ici, l'idée d'avoir des toilettes propres semble simple de prime abord. Construire un tel appareil sans accès à l'eau est une véritable épopée. En témoigne le fonctionnement aussi complexe et intelligent de l'engin. The Nanomembrane enferme dans un premier temps les excréments grâce à une trappe amovible qui va rester fermée en permanence quand personne n'occupe le trône. Cela limite ainsi la propagation des odeurs et des bactéries. Ensuite, une sorte de brosse solide va essuyer la trappe pour faire tout tomber dans la partie inférieure de la machine. Là, les liquides vont rester en surface et les solides vont couler. C'est là que la magie opère. Des nanomembranes vont séparer la vapeur d'eau des substances nocives présentes dans l'urine et vont la pousser dans un tube à l'arrière des toilettes rempli de billes qui vont t'aider à la condensation, transformant la vapeur en eau liquide. Cette dernière est recueillie à l'avant des toilettes dans un réservoir qui sert de marche. L'eau recueillie ainsi peut être utilisée pour arroser les plantes ou laver le sol. Il ne reste alors plus que des substances solides et nocives dans le réservoir principal qui vont être récupérées dans un autre compartiment avant d'être mélangées à des billes d'une substance permettant d'annihiler les odeurs. On imagine que c'est ce qu'on trouve dans les litières modernes. Ici, elles vont sécher et vont être récupérées par un technicien quand le bac est plein. Le chanceux. Le côté recyclage total ne s'arrête d'ailleurs pas en si bon chemin puisque ce technicien va amener ses déchets dans une usine qui produit de l'énergie thermique et qui va alimenter le quartier en électricité. Wow! Tout ça tient étonnamment dans le budget quotidien du défi que Bill Gates a lancé et ne coûte pas plus de 5 cents de dollars par jour par utilisateur. Alison Parker reconnaît pourtant qu'il reste encore des problèmes aujourd'hui avec ce système que l'université n'a pas résolu. Le premier problème est très trivial. Les personnes qui utiliseront ces toilettes n'auront pas forcément accès à du papier de toilette ni à un endroit pour s'en débarrasser. Et The Nanomembrane ne peut rien faire pour eux. Le second est plus logistique. Ces toilettes ont besoin d'une maintenance hebdomadaire, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas s'équiper des lieux trop reculés. Le projet est donc réservé aux espaces urbains. Les tests sur le terrain commenceront un peu plus tard, dans l'année 2016. Maintenant, des nanoparticules permettent de mesurer l'efficacité d'un traitement. Administrer une chimiothérapie et connaître son efficacité chez le patient qui la reçoit en temps réel est un rêve que caressent depuis longtemps des oncologues, car ça permettrait de changer de traitement en cas d'échec et ainsi d'améliorer la survie des patients, ou du moins leur qualité de vie, nous dit Le Devoir. Or, des chercheurs viennent de réussir cette prouesse chez des souris à l'aide de nanoparticules. Leur démarche est écrite dans la dernière édition des Proceedings of the National Academy of Sciences. Actuellement, on ne peut savoir si un patient cancéreux répond bien à la chimiothérapie ou à l'immunothérapie qu'on lui administre qu'après plusieurs semaines de traitement, car les techniques utilisées pour le déterminer sont des méthodes d'imagerie médicale qui visent à détecter un rétrécissement de la tumeur cancéreuse, lequel rétrécissement met malheureusement un certain temps avant de se manifester. Une équipe de chercheurs de la Harvard Medical School et du Massachusetts Institute of Technology a mis au point des nanoparticules qui acheminent le médicament anticancéreux ou l'immunothérapie jusqu'aux cellules cancéreuses et qui déclenchent chez elles qui sont tués, une fluorescence verte bien visible. Pour ce faire, les chercheurs ont introduit dans les nanoparticules un composé qui se transforme en une substance fluorescente lorsqu'elle rencontre des enzymes appelées des caspases qui sont activées lors du processus d'apoptose, oui, c'est-à-dire de suicide que les cellules cancéreuses mettent en branle lorsqu'elles sont intoxiquées par le médicament ou attaquées par une cellule immunitaire dans le cas d'une immunothérapie. Lors d'expérimentations sur un modèle animal de cancer de la prostate, ces nanoparticules ont permis de juger de l'efficacité d'un médicament anticancéreux courant, le paclitaxel, environ 8 heures après leur administration. Les chercheurs ont en effet noté une fluorescence 400 fois plus élevée dans les tumeurs sensibles aux médicaments que dans celles qui étaient résistantes. L'équipe de scientifiques a également observé une augmentation significative de la fluorescence dans les tumeurs ayant reçu des nanoparticules armées d'agents immunothérapeutiques, et ce 5 jours après qu'on ait administré ces nanoparticules à des animaux auxquels on avait greffé un mélanome. Cette dernière observation a particulièrement ravi les chercheurs, car il est parfois impossible de savoir si l'immunothérapie est efficace avec les techniques d'imagerie employées étant donné que le volume de la tumeur ne rétrécit pas, mais s'accroît dans un premier temps en raison de l'afflux de cellules immunitaires autour des cellules cancéreuses. Fort de ce premier succès, les chercheurs s'appliqueront maintenant à éprouver l'innocuité de la technique avant d'entamer des études cliniques. Du plastique fait avec du bois. Remplacer le célèbre plastique ABS, celui des briques Lego, notamment par un mélange de lignine et de caoutchouc synthétique, serait assez facile selon des scientifiques américains. La réaction peut se faire à moins de 160 degrés Celsius et sans solvant. Une recette prometteuse, mais qui reste à peaufiner. Wow! La misère aujourd'hui. Pare-chocs de voiture, casque de protection et briques de Lego ont une chose en commun, ils sont moulés dans une matière plastique à la fois légère et résistante, un polymère appelé ABS pour acrolonitrile butadiène styrène. Et c'est bien là que le bât blesse, car le plastique ABS présente l'inconvénient d'être produit à l'aide de dérivés du pétrole. La situation semble ne plus convenir au géant du jouet danois Lego qui a annoncé à l'été 2015 un investissement de quelques 135 millions d'euros et un recrutement d'une centaine d'ingénieurs pour mettre au point un nouveau plastique sans pétrole plus respectueux de l'environnement. En croire l'annonce du chercheur américain de l'Oak Ridge National Laboratory, la solution pourrait venir de la lignine, l'un des principaux composants du bois. La lignine est un polymère naturel, donc après la cellulose, elle est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur Terre. Mais elle est loin d'être exploitée à sa juste valeur. Alors les chercheurs de l'Oak Ridge National Laboratory se sont intéressés à l'une de ses principales caractéristiques physiques. La lignine confère en effet au bois sa rigidité. Les chercheurs américains ont donc pensé l'utiliser pour produire une matière plastique meilleur marché et plus propre que le plastique ABS avec, qui plus est, des performances au moins égales de fusibilité, de ductilité et de moulabilité et même des performances bien supérieures de résistance. La lignine, cependant, est un polymère plutôt fragile. Il fallait trouver le moyen de la tremper, au sens que donnent à ce mot les métallurgistes. Les chercheurs américains ont dispersé des morceaux de lignine de dimension nanométrique dans une matrice de caoutchouc synthétique. Pour coupler les deux, ils n'ont pas eu à faire appel à des solvants. En effet, le caoutchouc butadiène acrylonitrile, encore appelé caoutchouc nitrile, qu'ils ont utilisé, et la lignine présentent des groupes chimiques dans lesquels les électrons sont inégalement distribués et sont donc susceptibles d'interagir entre eux. Après avoir malaxé le mélange en fusion, les chercheurs de l'Oak Ridge ont observé la formation de structures de base de lignine de 10 à 200 nanomètres de long qui se sont mises à interagir avec les caoutchoucs nitriles. Résultat, une matière plastique nommée l'ABL, acrylonitrile butadienne lignine, ne présentant plus toutes les propriétés du caoutchouc ni celles de la lignine, mais une combinaison intéressante mêlant la rigidité de la lignine à l'élasticité du caoutchouc. Pour préciser leurs travaux, les chercheurs américains ont étudié les conséquences de diverses variations de paramètres sur le matériau obtenu en fin de processus. Ils ont ainsi déterminé que la lignine issue de feuillus comme le chêne, comme le chêne présente une stabilité thermique optimale. Ils ont ainsi conclu que la proportion idéale d'acrylonitrile dans le mélange se situe autour de 41%. Quant à la température du mélange, mieux vaut la garder entre 140 et 160 degrés Celsius. Reste désormais à pousser plus loin les investigations pour déterminer, entre autres, comment exploiter au mieux, par exemple, les sous-produits de l'industrie papetière pour alimenter une potentielle production industrielle d'ABL, ou encore pour étudier les performances de cette nouvelle matière plastique dans des matériaux composites renforcés de fibres de carbone. Et pour terminer, une bactérie créée avec le plus petit génome viable au monde. Les scientifiques ont créé une bactérie de synthèse avec le plus petit génome jamais décrit pour un organisme indépendant. La bactérie JCVI SIN 3.0 ne contiendrait que les gènes nécessaires à la vie et parmi eux, 149 sont encore inconnus. Les mycoplasmes sont des cellules simples capables d'une vie autonome. Elles sont présentées comme un modèle pour comprendre les principes de base de la vie. Les mycoplasmes ont évolué à partir de bactéries à gram positif avec des génomes plus importants, mais qui ont perdu des gènes qui ne leur étaient pas nécessaires en tant que parasites de mammifères. Une cellule minimale pourrait se définir comme une cellule dans laquelle tous les gènes sont essentiels. C'est ce qu'ont obtenu des chercheurs du J. Craig Venture Institute à La Jolla aux États-Unis, qui décrivent leurs résultats dans Science. Craig Venture est un chercheur et entrepreneur dans le domaine de la génétique, et depuis des décennies, il poursuit un des objectifs de la biologie synthétique et de construire un génome entier. En 1995, l'équipe de Venture a séquencé le génome du Mycoplasma genitalium, une bactérie sexuellement transmissible qui possède le plus petit génome connu pour un organisme capable de vivre seul, 580 kilobases, avec 470 gènes codant pour des protéines. Malgré la taille réduite du génome de M. genitalium, des expériences ont montré qu'elle contient des gènes qui ne sont pas essentiels à sa croissance en laboratoire. Il serait donc possible de produire un organisme encore plus simple. Comme la croissance de M. genitalium est assez lente, les chercheurs se sont dirigés vers une autre bactérie pour atteindre leur idéal de bactérie synthétique minimaliste, le Mycoplasma mycoïde. L'idée était de construire un organisme qui n'avait que des gènes essentiels. En 2010, l'équipe a copié le génome bactérien de M. mycoïde et l'a greffé dans une autre bactérie, le M. capricolum. Les cellules obtenues, JCVI SIN 1.0, étaient le premier exemple de vie synthétique. Ce génome, basé sur celui de monsieur. C'est parce que c'est marqué M. point, là, de M. mycoïde, le 1.0 avait été fabriqué chimiquement et permettait à la cellule de croître une fois qu'elle était greffée dans son cytoplasme. Peut-on réduire donc le génome de SIN 1.0 au minimum vital? Pour obtenir un génome minimal, l'équipe a retiré des gènes, mais l'organisme obtenu dans un premier temps n'était pas viable. L'équipe a divisé le génome de M. mycoïde en 8 fragments et les a combinés pour trouver quelles combinaisons permettaient d'obtenir des cellules viables. Ceci a permis de mettre en évidence des séquences d'ADN qui ne codent pas de protéines, mais qui sont nécessaires. Le génome a donc été réduit de 1079 KB à 531 KB, donc 473 gènes, dans le JCV SIN 3.0. Le génome de JCV SIN 3.0 est plus petit qu'aucune cellule capable de réplication autonome dans la nature et donc plus petit que celui de M. genitalium. Depuis, la bactérie SIN 3.0 se développe en 5 fois moins de temps que le genitalium. Ses cellules doublent en 3 heures contre 1 heure pour mycoïde et 18 heures pour genitalium. Les nutriments sont presque tous apportés par le milieu. Donc au laboratoire, SIN 3.0 se développe dans un milieu qui lui apporte tous les nutriments nécessaires à la vie. Dans d'autres conditions, elles auraient probablement besoin d'autres gènes. Les gènes de SIN 3.0 sont impliqués dans la fabrication des protéines, la réplication de l'ADN ou la construction de membranes. Cependant, étonnamment, l'équipe n'a pas pu déterminer la fonction de 149 gènes, dont beaucoup se trouvent dans d'autres êtres vivants comme les humains. L'Institut de Craig Venter cherche à fabriquer des cellules de synthèse pour des applications industrielles comme la fabrication de médicaments. Pourtant, depuis l'explosion de techniques d'édition du génome, on en parlait un peu avec Lucas Hubert en début d'émission, qui permet donc de modifier simplement les génomes. Ce champ de recherche a-t-il vraiment un avenir? La création d'un génome de synthèse est compliquée par comparaison à l'utilisation de l'édition génétique comme le CRISPR. C'est exactement ce dont on parlait avec Lucas Hubert il y a une heure environ. Nécessite beaucoup moins d'efforts. Elle a déjà été adoptée par l'industrie et la médecine, mais pour des applications qui nécessitent peu de modifications génétiques. Les génomes de synthèse pourraient servir à d'autres applications. Ils permettent déjà d'atteindre ce troublant résultat, une vie créée de toutes pièces par l'homme. Voilà pour Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com. J'avais dit tantôt qu'on continuerait en hip-hop un petit peu, donc voici du hip-hop funky, un remix d'une musique de Super Smash Brothers par Voodoo Lion sur l'album Beyond the Stars. Au Mathieu Plante Show, tout de suite sur C'est Fou. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Drôle de hasard, plus tôt dans l'émission, on avait entendu une pièce de Hunter qui reprenait une chanson de Undertale, un jeu indie. Et là, par hasard total, c'est vrai, c'est une autre pièce de la drum sonore de Undertale, cette fois-ci par deux autres artistes, OA et Level 99, qui reprennent His Theme et Save the World. La pièce mise ensemble s'appelle, les deux pièces mises ensemble, dans le fond, s'appellent Golden Flowers. Voilà, au Mathieu Plancho. Et maintenant, ben, on va parler de petites nouvelles technologiques un peu. Hein? C'est le moment du segment geek CNX. CNX, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, on parle aussi de jeux vidéo, on parle d'avancées, de nouvelles du futur, et commençons justement avec quelques nouvelles du futur, avec face-to-face, comment faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Hein? Des chercheurs de l'université américaine de Stanford, de l'université allemande d'Erlangen-Nuremberg et de l'institut Max Planck à Leipzig ont élaboré un algorithme permettant de modifier en temps réel les expressions faciales d'un orateur qui s'exprime au sein d'une vidéo. Le résultat est quand même assez intéressant et pourrait promettre de belles heures aux vidéos parodiques. Le trucage vidéo n'est pas vraiment une nouveauté, nous dit Clivic.com, mais ce que sont parvenus à réaliser les chercheurs est inédit. Ces derniers ont conçu un programme qui applique les mouvements du visage d'une personne à celui d'un autre. Donc, placez-vous devant les dispositifs de capture qui se résument à une simple caméra et vos grimaces deviennent celles de n'importe quel individu présent dans une, vidéo. Par exemple, les chercheurs se sont amusés à détourner les interventions de Poutine, Obama, George W. Bush ou encore Donald Trump. À chaque fois, tous les mouvements de la bouche, des sourcils, des muscles, des joues sont appliqués sur le sujet présent dans la vidéo et seules les inclinaisons de tête subsistent. Associé à un doublage crédible, ce procédé peut donc aboutir à un trucage parfait et on peut tout à fait imaginer un grand chef d'État déclarer sa flamme à un mignon petit chat, nous dit l'article. Ce résultat, déjà très convaincant, est toutefois encore perfectible d'après les chercheurs qui travaillent encore sur le programme. Si la retouche vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour du côté du Cubic.com qui a un paquet de Cubic.com, oui, qui a un paquet de petits didacticiels pour apprendre à faire ce genre de choses, mais de façon plus profonde. Vous avez peut-être entendu parler du robot de Microsoft qui est devenu raciste, nazi et sexiste avec le temps. Oui, un robot Microsoft doté d'une intelligence artificielle et capable de l'accroître en interagissant avec les internautes a été retiré par le groupe informatique américain après avoir multiplié les diatribes haineuses ou racistes sur la base de ce que lui enseignaient des personnes mal intentionnées. Le robot T-A-Y avait été conçu avec l'apparence d'une jeune adolescente naïve, capable d'apprendre de ses interactions avec les internautes. Le projet à but éducatif a tourné court lorsque les internautes ont décidé de lui apprendre surtout la violence verbale. Je cite... Malheureusement, dans les 24 premières heures où elle était en ligne, nous avons constaté un effort coordonné par certains utilisateurs pour maltraiter T et son habileté à communiquer afin qu'elle réponde de manière inappropriée. C'est autant une expérience sociale et culturelle que technique. Alors que la machine avait pour but d'étudier les capacités d'apprentissage et devenait plus intelligente au fur et à mesure de ses interactions en ligne, elle s'est mise à tweeter des propos pro-nazis, sexistes, oui, ou racistes. Elle a par ailleurs posté des commentaires en soutien, évidemment, à Donald Trump. Dans son dernier message sur Twitter, T a déclaré, je cite, « À bientôt les humains, j'ai besoin de sommeil après tant de conversations aujourd'hui. » Ces messages injurieux ont été effacés, mais beaucoup circulent encore sous la forme de capture d'écran. Microsoft, pour sa part, travaille désormais à améliorer T. Outre Twitter, le robot a été conçu pour interagir sur diverses plateformes de messagerie et ciblait tout particulièrement les millennials, donc les jeunes nés entre 1981 et 1996. C'est rare que je fais partie d'un groupe, donc je vais me dire « Yay pour moi! » un autre robot maintenant. Qui veut détruire l'humanité. Hein, elle aussi s'entendrait très bien avec Donald Trump. Sophia est devenue une vedette depuis que Anson Robotics l'a présentée à la conférence South by Southwest. De réalisme jamais atteint, ce robot humanoïde reproduit une soixantaine d'expressions et par reconnaissance faciale et vocale, elle peut tenir une conversation. Ses réponses sont tantôt étonnantes, tantôt glaçantes. Et en la regardant, elle est un petit peu épeurante. Je dis pas que les gens qui ont un œil croche sont épeurants, loin de là, là, je trouve ça vraiment cute, là. Mais... elle a l'air de pas tout là. Aurions-nous donc plus d'empathie pour des robots façonnés à notre image? Ce débat court depuis de longues années dans le milieu de la robotique. Il alimente la littérature de science-fiction ainsi que le cinéma, avec des films comme Blade Runner ou plus récemment la série suédoise Real Humans. En découvrant Sophia, avec une petite vidéo YouTube de CNBC, on se demande vraiment s'il faut se réjouir ou s'inquiéter. Ce robot humanoïde conçu par la société Anson Robotics aux États-Unis a fait sensation lors de la dernière conférence South by Southwest en affichant un réalisme pour le moins trouble. Le visage de Sophia reproduit les mouvements de 64 muscles faciaux, des yeux et du cou afin d'imiter une large gamme d'émotions humaines. Sa peau semble très naturelle, on a envie de la toucher. Hein? Elle est faite d'un élastomère spongieux. Je sais pas si c'est la même affaire que ce qu'on discute dans Merci Science tantôt. Formé d'une membrane bicouche lipidique dont les nanoparticules s'auto-assemblent en parois alvéolaires, ce qui lui confère une souplesse proche de la peau humaine. Derrière les yeux de Sophia se cachent des caméras grâce auxquelles elle regarde ses interlocuteurs et sait même les reconnaître. Elle comprend le langage naturel et peut mener une conversation en se souvenant des visages et des échanges qu'elle a eus. Leur objectif à l'avenir est de la rendre aussi consciente, créative et douée que n'importe quel être humain. Bien sûr. Donc, on a notamment des... dans le fond, Sophia est le dernier exemplaire d'une série qui compte notamment des sosies d'Albert Einstein et de Philip K. Dick. L'objectif de cette société fondée en 2003 est de commercialiser ces humanoïdes dans un premier temps auprès des parcs d'attractions avant de se tourner vers des applications plus spécifiques dans le domaine de la santé, de l'éducation et du service aux clients. Ils pourraient, par exemple, servir à travailler en milieu hospitalier avec des malades, en particulier des enfants, en jouant sur leur réalisme pour tisser un lien affectif. Je dirais même peut-être des personnes âgées. De toute façon, ils se rappelleront pas du visage de la personne. C'est triste, mais c'est de même. Donc, on dit qu'on arrivera à un temps où les robots seront indistinguables des humains. Dans une vingtaine d'années, je pense, ici on parle d'un chercheur, que des robots humanoïdes marcheront parmi nous, nous aideront, joueront avec nous, nous enseigneront. On estime que l'intelligence artificielle progressera à un point où les robots deviendront vraiment nos amis. Sauf qu'il reste manifestement beaucoup de travail à faire. Justement, pour en revenir au titre, à l'issue de l'entretien avec CNBC, son concepteur demande à Sophia « Est-ce que tu veux détruire les humains? S'il te plaît, dis non. » Et Sophia de répondre avec le sourire « Ok, je détruirai les humains. » Plutôt gênant pour une machine censée devenir une amie. Je cite « Notre mission est de créer un avenir meilleur pour l'humanité en insufflant de la gentillesse et de la compassion dans l'intelligence artificielle. » C'est ce que dit Hanson Robotics. Je pense que Sophia n'a pas nécessairement écouté tout le long. Hein? Peut-être que comme des humains, elle écoute un mot sur 3-4. Elle entend ce qu'elle veut entendre. Le bingo électronique va bientôt être testé, nous dit la presse canadienne. Le secteur du bingo semble en voie de prendre un coup de jeunesse dans la province. Le gouvernement du Québec a donné son aval au lancement d'un projet pilote dans une poignée de salles dans le but de savoir si l'utilisation de la tablette électronique par les joueurs peut permettre d'y accroître et d'y renouveler la clientèle. De prime abord, ces instruments technologiques ne seront implantés que pour une durée d'un an dans 4 ou 5 endroits où il continuera d'être possible de se procurer des cartes en papier. Puis, si les résultats sont prometteurs, le reste de la province se joindra à la danse. Selon le directeur général du marketing et des jeux collectifs à la Société des établissements de jeux du Québec, le programme prendra vraisemblablement son envol en septembre ou en octobre. D'ici là, 2 appels d'offres devront être lancés. L'un d'entre eux servira à trouver un manufacturier capable de fournir les tablettes et le logiciel nécessaire pour jouer au bingo électronique, tandis que l'autre permettra de déterminer dans quelle salle ces nouveaux équipements pourront être testés. On spécifie que l'organisation, qui est une filiale de l'Auto-Québec, bien sûr, espère que cette innovation pourra permettre de renverser certaines tendances. Je cite, quand on a commencé le bingo en réseau en 97, il y avait 176 salles qui participaient. Désormais, il y en a 50 à travers la province, à titre déploré. Puis, il a ajouté qu'au départ, l'âge moyen du client était de 47 ans, alors que maintenant, c'est 60 ans. Au fil du temps, les revenus que les organismes sans but lucratif tirent du bingo ont donc été fragilisés. Triste pour eux, le fun pour le gros bon sens. Je sais pas, casino. Pas mon genre de truc. Ça me fascine, le prochain article, l'Internet des déconnectés. On s'en va à Cuba, c'est un article de la presse. À Cuba, les médias et les institutions artistiques sont à la merci des goûts du Parti communiste. Le niveau de pénétration de l'Internet dans l'île est parmi les plus bas au monde. Pourtant, il y a de bonnes chances que les Cubains voient la prochaine grande production hollywoodienne bien avant vous. Quel est le secret? C'est El Paquete Semanal. Créé en 2007-2008 par des informaticiens cubains, le paquet hebdomadaire est aussi simple qu'efficace et permet aux habitants de l'île de rester connectés, même sans accès régulier à Internet. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est que chaque semaine, un livreur se rend littéralement chez vous avec un disque dur d'un téraoctet sur lequel ont été rassemblées les toutes dernières productions cinématographiques, musicales et télévisuelles étrangères et cubaines. Vous y retrouverez également des mises à jour de logiciels, d'applications, d'antivirus et une multitude d'autres produits culturels. En échange de 1 ou 2 $, le livreur vous laisse transférer durant quelques heures ce que vous désirez sur votre ordinateur. Seuls 2 types de contenus sont introuvables sur El Paquete, la pornographie et la politique. En respectant ces 2 interdits, les créateurs se sont assurés que le paquet qui ne respecte aucun droit d'auteur soit toléré par le régime, et ce même s'il véhicule ce que les autorités qualifient de pseudo-culture. Pour agréger le contenu hebdomadaire nécessaire, une armée de collaborateurs enregistre des émissions de chaînes américaines qu'ils captent avec leur antenne satellite illégale. D'autres passent leur journée à télécharger des fichiers aux bornes Internet sans fil installées en juillet dernier dans certains parcs des grandes villes. L'assemblage et la distribution del paquete se font de manière essentiellement informelle. Les collaborateurs assurent de ne recevoir que quelques pesos convertibles pour leur service. Je cite, pour moi, c'est un passe-temps, dit le responsable de l'agrégation de musique. Ce qui nous intéresse, c'est que le public ait accès à la culture et puisse s'informer sur elle. Donc, sur El Paquete, il y en a pour tous les goûts. Wow, ça me surprend et quand même, je trouve ça intéressant de savoir qu'au moins, on n'est pas fermé au reste du monde. Quoi qu'il faut payer de l'argent, et peut-être que c'est pas de l'argent que tout le monde a, donc ça fait quand même une classe ou deux, hein, différentes. Maintenant, une montre cardio pour payer moins cher sa couverture médicale. Un peu de marche quotidienne et vous gagnez 1,50$. Faites plus d'exercices, c'était un bonus de 1 400$ par année. Des assureurs américains veulent ainsi inciter leurs clients à se dépenser et rentabiliser leur couverture médicale. Ça me rappelle pas mal ce qu'ils font avec les autos là, depuis quelques années. L'idée n'est pas nouvelle, mais a pris de l'ampleur avec la popularisation des accessoires connectés, ce qu'on appelle les wearables, ces bracelets et autres gadgets qui calculent la distance parcourue ou le nombre de calories brûlées. United Healthcare, le deuxième plus gros assureur médical aux États-Unis, propose ainsi à ses clients de faire de l'exercice en échange d'une réduction des coûts pour eux et leurs employeurs. Ces derniers sont en effet tenus depuis la réforme de santé Obamacare de proposer une couverture santé dès lors qu'ils emploient plus de 50 personnes. Un sondage auprès de plus de 200 grands employeurs aux États-Unis a montré que 37% d'entre eux utilisaient des accessoires connectés pour mesurer les performances physiques de leurs employés en 2015. D'après le National Business Group on Health, qui a effectué l'enquête, 37% envisageaient par ailleurs s'y mettre dans les années à venir. Une des incitations symboliques de cette tendance a été celle de l'enseigne Target, qui a proposé l'année dernière d'équiper plus de 300 000 employés d'un bracelet Fitbit, mesure de la fréquence cardiaque parmi de nombreuses autres fonctions, gratuit ou à prix réduit. En plus, un concours géant a été lancé, permettant à l'équipe d'employés avec la moyenne de pas quotidien la plus élevée de lever plus $1 million à reverser à des ONG locales. De telles initiatives sont qualifiées de gamification, qu'on peut traduire par la ludification. J'aime, pour une fois que j'aime un mot en français, ludification, je trouve ça parfait. Donc, permettre aux employés de s'amuser en pratiquant une activité bénéfique pour leur santé. L'enjeu des récompenses financières, selon Jimmy Fleming du groupe de consultants LT Wage, est essentiel. Je cite, « Nous avons des clients qui proposent de subventionner totalement un programme, mais c'est moins efficace et il faut une logique de carottes et de bâtons. » Dans certains cas, comme à l'université Oral Roberts de l'Oklahoma, porter une montre cardio est devenu obligatoire pour les nouveaux étudiants. Des critiques reprochent cependant à ces technologies de s'immiscer dans la vie privée des salariés malgré l'obligation de confidentialité imposée sur les données sur la santé. Et un rapport publié cette année par l'Université de Toronto signale ainsi que dans certaines situations, des informations récoltées par ces objets connectés ont été utilisées dans des dossiers sur des agressions sexuelles. Certains employés se sentent obligés de participer à ces programmes car ils n'ont pas les moyens de payer des pénalités en cas de refus, dénonce-t-il. Du bon et du mauvais, là, c'est clair que si l'employeur peut savoir exactement où t'es situé et si t'as vraiment marché ou si t'as pris une pause que t'étais pas supposé prendre en restant à un même endroit, ça pourrait avoir des conséquences néfastes pour les employés. La collecte des ordures prend un virage technologique dans la vallée de l'or. Selon Radio-Canada, la technologie s'empare de la collecte des matières résiduelles en Abitibi-Témiscamingue. Les 12 camions de collecte de matières résiduelles de la MRC de la Vallée de l'Or sont désormais équipés d'un système de télémétrie véhiculaire. Cette technologie permet notamment de suivre les collectes en temps réel, d'assurer un meilleur traitement des plaintes et de vérifier les bris mécaniques à distance. Le travail d'Alain Cossette peut désormais être suivi en direct, en temps réel, par la télémétrie cellulaire. On peut savoir où il s'est arrêté et pendant combien de temps. Pour se préposer à la collecte de la MRC de la Vallée de l'Or, ce système le protège contre les plaintes de certains citoyens. Quelques conducteurs ou préposés ont cependant été gênés par cette transmission aussi détaillée. Selon le directeur du service de l'environnement à la MRC, le principal objectif du logiciel Isaac n'était pas la surveillance des employés. Ce qui était recherché était plutôt l'aspect mécanique, l'aspect service aux citoyens, voire les trajets. La surveillance à distance permet aussi des économies, explique le coordonnateur de la collecte des matières résiduelles. Je cite, « J'ai eu un problème, entre autres, avec un camion de Senneterre. Avec le code moteur, j'ai été capable de voir que finalement, ce n'était pas une urgence, que je pouvais terminer ma journée. Ça m'aurait pris une heure de route faire descendre un camion, mais ça m'aurait aussi pris une heure de route pour faire monter un camion pour faire terminer la journée dans le secteur de Senneterre. L'achat du système Isaac a coûté 1 600$ avec des frais d'installation et il en coûte $40 par mois pour maintenir le service. Un système semblable est aussi utilisé dans les véhicules de Multitech Environnement, qui assure la collecte à Rouyn-Noranda. À Amos, l'entreprise Sanimos évalue la possibilité de se doter de cette technologie. Dyson, qui a révolutionné l'aspirateur, s'intéresserait au marché de la voiture électrique. La voiture électrique intéresse des acteurs de toutes sortes de secteurs, des constructeurs historiques et naturellement de toutes nouvelles marques telles que Tesla ou Rimac, ou encore des acteurs de nouvelles technologies comme Google. Une nouvelle entreprise d'un secteur encore différent aurait commencé à s'y intéresser. Cette entreprise, c'est Dyson, le Apple de l'électroménager. Oui, oui. L'un a révolutionné la téléphonie mobile, l'autre l'aspirateur et le ventilateur. En tout cas, les autorités britanniques ont révélé que le gouvernement financerait Dyson pour qu'il développe un nouveau véhicule électrique à batterie depuis son siège social de Malmesbury dans le Wiltshire. C'est ce qu'a repéré The Guardian dans un document publié dans le cadre d'un plan national d'infrastructure. Le Royaume-Uni financerait le projet à hauteur de 176 millions de livres, créant plus de 500 emplois, essentiellement d'ingénierie. Le passage a depuis été retiré d'Internet. Il ne reste qu'une référence à une subvention de 16 millions de livres soutenant la recherche et le développement pour la technologie des batteries. Mais l'inventeur Sir James Dyson a annoncé l'année dernière son intention d'investir 1 milliard de livres dans la technologie des batteries au cours des 5 prochaines années. Il a fait l'acquisition d'un spécialiste des batteries qui aurait développé une avancée capitale dans le domaine. On peut douter donc qu'il investisse autant d'argent pour des aspirateurs sans fil. On se tiendra au courant de ce dossier-là. Il nous reste un autre bloc de Cynix dans quelques instants, mais avant ça, en musique, oh, j'ai tellement hâte de l'entendre. C'est un hommage à une des pièces de Super Mario 3D World. Vous le savez, je fais jouer cette trame sonore-là assez fréquemment à l'émission. Donc, un remix de ça que voici, c'est Caravan Bowser MPS, le Mathieu Plante Show sur Cynix. L'arrangement d'une pièce du jeu Wise 3, Wanderers from Wise, YS, là, j'ai jamais d'idée comment le prononcer, refaite par l'artiste Hans Garros. Il a appelé la pièce Stealing the Will to Fight au Mathieu Plancheau. Maintenant, c'est la suite de CNX dans laquelle on était tout à l'heure. Donc, segment Geek CNX, il nous reste quelques petites minutes pour faire quelques nouvelles. J'ai parlé en introduction de Xbox One et je vous demandais si vous étiez intéressé à revendre vos jeux dématérialisés pour 10% du prix d'achat. Au détour d'un sondage, Microsoft demande aux possesseurs d'une Xbox One si la possibilité de revendre leurs jeux dématérialisés en échange d'un bon d'achat pour les intéresser. Je cite... Si la boutique en ligne de jeux dématérialisés de la console proposait aux consommateurs une option revente pour 10% du prix d'achat en bon d'achat, seriez-vous intéressé par une telle offre? Telle est la question posée par Microsoft au détour d'un sondage reçu par un certain nombre d'utilisateurs. Dévoilé sur Reddit, la question laisse donc entendre que l'entreprise se questionne sur l'éventualité de proposer aux joueurs une fonction de revente de leurs jeux dématérialisés. S'il ne s'agit là qu'un sondage, l'idée a de quoi faire son chemin. On imagine que si Microsoft décidait d'appliquer une telle offre, il ne serait pas question de revendre les jeux dématérialisés d'occasion, ce qui n'a pas beaucoup de sens pour les jeux au format numérique. La perte d'une clé de jeu dématérialisée ne se ferait donc pas au profit de, de personne d'autre que celle du joueur, qui verrait alors son compte Xbox Live crédité d'une somme d'argent. Mais la somme d'argent en question dans le cadre de la proposition de Microsoft pose une question. Donc 10% du prix d'achat dans le cas des jeux achetés à 60$, ça reviendrait à 6$, une somme extrêmement faible qui pourrait trouver son sens des années après l'achat dans l'optique de réduire le prix d'acquisition d'une nouveauté par exemple. Bien qu'immatériel, les jeux achetés en version numérique disposent tout de même d'une valeur réelle à prendre en considération. L'enquête ne signifie pas que Microsoft appliquerait à la lettre cette proposition. Il est possible que l'entreprise cherche à savoir si un nombre suffisant de joueurs serait prêt à adhérer à une telle offre à un prix très bas pour revoir sa copie en cas de rejet. La question de la revente de jeux dématérialisés se pose de plus en plus. Il est intéressant, voire inquiétant, de considérer la vision que peut en avoir une entreprise comme Microsoft, nous dit Klubik. Dans le futur, vous n'attendrez peut-être plus l'ascenseur et vous ne toucherez peut-être plus à des boutons pleins de microbes. Otis a profité du MIPIM, le marché international des professionnels de l'immobilier, pour dévoiler une nouvelle génération d'ascenseurs intelligents et connectés, adaptés à la tendance de la numérisation de l'immobilier. Le nouvel ascenseur New Gen 2 bénéficie effectivement de trois composants connectés. Il dispose tout particulièrement d'une application mobile intitulée eCall qui permet de l'appeler à distance depuis son smartphone et de saisir sa destination afin de minimiser l'attente et d'éviter aux passagers de toucher aux commandes publiques. Un panneau de commandes OneCall est maintenu. On y saisit sa destination depuis le palier, ce qui permet d'optimiser la répartition des passagers dans plusieurs ascenseurs et d'accélérer les déplacements. Ces nouveaux ascenseurs accueillent enfin un nouvel écran eView sur lequel on peut afficher toutes sortes d'informations pratiques comme la météo, l'information trafic, le titre de la musique qui joue, ainsi que la publicité, bien sûr. Cet ascenseur est par ailleurs une évolution du Gen 2 existant, qui réduisait déjà la consommation d'énergie et optimisait l'espace. Ces nouveaux ascenseurs feront leur apparition dans de nouvelles constructions dès les prochaines années. Maintenant, chez les vinyles, 50 ans plus tard, un nouveau procédé de fabrication. Le vénérable vinyle est-il le salut de l'industrie musicale? Tandis que les ventes continuent à croître dans un marché globalement en baisse, la technologie est sur le point d'évoluer après un demi-siècle. Rebeat, éditeur autrichien de logiciel de gestion pour maisons de disques, a récemment déposé un brevet que le site internet Digital Music News a pu consulter portant sur un nouveau procédé de fabrication de vinyle haute définition. Pendant que le marché donc, de la musique numérique prend un nouvel élan avec la haute résolution, en partie pour concurrencer le vinyle, ce dernier pourrait lui aussi prendre un nouveau départ. Les vinyles sont pressés aujourd'hui de la même manière que dans les années 60, avec un diamant creusant des micro-sillons et de grandes quantités de produits chimiques polluants. Plus de 50 ans plus tard, Rebeat propose un tout nouveau procédé de fabrication moderne recourant au laser comme le CD, ainsi qu'à la modélisation 3D. En plus de réduire le coût et le temps de fabrication de respectivement 50 et 60%, ce nouveau procédé permettrait en plus de minimiser les distorsions, d'où l'intitulé HD Vinyl du dépôt de brevets. Les premiers vinyles haute définition pourraient voir le jour d'ici 3 ans, quand la société autrichienne aura déposé les brevets internationaux et obtenu des financements. Et pour terminer, les disques seront parfaitement rétro-compatibles. On pourra lire donc ces nouveaux disques avec des platines conventionnelles. Et pour terminer sur une note plus légère, en fait, une étude estime qu'en général, les salariés, on parle ici en France, mais c'est applicable pas mal partout, j'imagine, les salariés consacrent quotidiennement plus d'une heure à visiter des sites pour des raisons non professionnelles. S'il est abusif, la pratique peut être condamnée. Visiter des sites à titre personnel lors des heures de travail est une pratique commune à presque l'ensemble des salariés, parfois rendue ardue par l'ajout de filtres ou de règles internes interdisant la consultation de ces portails. Elle peut tout de même prendre une place relativement importante au sein des entreprises. L'éditeur de sécurité Olfeo indique qu'en moyenne, 2h10 par jour sont consacrées au web sur leur lieu de travail. Dans ce laps de temps, le surf personnel représente 58% du temps passé sur Internet, soit 1h15 par jour. Sans surprise, les sites les plus visités sont les sites d'actualité, mais également YouTube, Facebook, Wikipédia et LinkedIn. Pour extraire ces chiffres, l'éditeur indique avoir réalisé cette étude sur l'année 2015 en France sur plus d'une centaine d'entreprises représentant plus de 150 000 collaborateurs. Elle se base notamment sur l'analyse des journaux de connexion au web fournis par les serveurs proxy. Les détails sont sur assemblagerequis.com. Et nous voilà à l'arrivée, de l'émission de Mathieu Plancheau de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 14h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis les mardis de 15h à 18h et en rediffusion les matins de 6h30 à 9h30. Consultez la programmation complète sur site.ca, notre émission sur assemblagerequis.com. Merci à Lucas Hubert et de la part de toute l'équipe éthique du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante, vous avez été planté. Bye bye! Longitude is possible.